Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un point qui revient souvent, une question qu'on pose souvent, c'est comment créer une bonne affaire. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, je vais te parler de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, il y a deux possibilités principales pour créer de la valeur. Après, il y en a plein d'autres, mais moi, je vais te parler de deux principales et que je suis en train de faire actuellement. Soit tu divises, soit tu casses tout et tu optimises l'espace intérieur. Donc, diviser, il y a deux possibilités. Soit tu vas, par exemple, acheter un 3 pièces. Un 3 pièces, donc 3, 2 chambres, un salon, par exemple. Tu vas diviser, donc tu vas rajouter, par exemple, une chambre et tu vas, par exemple, faire de la colocation. Donc, tu vas te rajouter un potentiel de loyer supplémentaire. Donc, une colocation, c'est l'équivalent d'avoir trois locataires en même temps, donc trois loyers en même temps. C'est comme si tu avais, d'une certaine manière, trois petits appartements. Là, tu fais une colocation, donc tu as trois sources de revenus différentes. Donc, quand je te dis à chaque fois qu'il faut ajouter des sources de revenus différentes, là, c'est comme si tu en as trois d'un coup. Parce que si tu en as un qui paye plus, par exemple, il t'en reste toujours deux. Et comme en plus, selon la manière dont tu montes ton bail, ça ne peut pas forcément arriver parce que ça peut être, ils peuvent être solidaires les trois, les quatre, les cinq. En tout cas, voilà, tu vas multiplier cette source de revenus. Donc, tu avais deux chambres, tu crées une chambre, donc tu crées une valeur supplémentaire. Donc, tu avais deux chambres que tu pouvais louer, par exemple, 500 euros. Tu crées une troisième chambre, bizarrement, tu vas pouvoir la louer aussi 500 euros parce que tu loues surtout l'espace qu'ils ont à l'intérieur. Et puis, si tu gardes une pièce à vivre qui reste correcte, le prix, parce que tu vas diviser ton appartement, que tu vas racheter une chambre, le prix ne va pas s'effondrer. Tu vas louer à 50 euros près, à la limite, exactement le même prix. Donc, à l'opposé, qui est plutôt dans une logique d'achat-revente, tu vas casser des murs, tu vas tout casser pour tout réoptimiser au niveau de l'aménagement intérieur. C'est ce que je suis en train de faire sur un autre chantier. Et en fait, tu as des gens, des architectes, des décorateurs d'intérieur qui sont là pour t'aider par rapport à ça parce qu'ils savent exactement comment optimiser les choses pour bien t'aider à circuler et à gagner, à faire un effet waouh quand tu rentres à l'intérieur et que, par exemple, sur un achat-revente, tu fais des gros travaux. Et d'ailleurs, tu revois assez vite parce que tu sais qu'il y aura l'effet coup de cœur. Hein, j'ai fait comme ça, j'avais raconté dans une interview avec Goulwen Tristan, j'avais raconté comment j'avais fait une plus-value sur un achat-revente de 150 000 euros. Et en fait, tout simplement, la personne qui était rentrée dedans, en fait, on avait une décoration, on avait mis une décoration assez sympathique, on avait tout refait, tout réaménagé, tout cassé, et elle s'est vue dedans. En fait, elle s'est vue dedans, du coup, elle n'a rien négocié. Parce que bim, effet coup de cœur, biais émotionnel, je ne veux pas louper cet appartement, c'est mon appartement, il n'y a jamais meubles dedans. Et on était allé lui rendre visite une semaine après son emménagement. Et en fait, on s'était aperçu qu'elle avait exactement les mêmes coloris de meubles que nous, pratiquement les mêmes meubles que nous. Donc, il faut créer l'effet de coup de cœur, c'est encore plus que sur la location, sur l'achat-revente. Donc, tu vas casser pas mal de choses et tu vas améliorer la fluidité, le fait de bien circuler à l'intérieur de chez toi, d'avoir un espace qui paraît vraiment plus grand que ce qu'il l'est. Moi, j'habite à Paris, donc autant dire que les espaces sont pas forts. Tu n'as pas 150 mètres, 200 mètres carrés, tu as des espaces qui sont plus petits. Et en fait, si tu les réadaptes, si tu les réaménages, tu peux donner l'impression, par exemple, qu'un 50 mètres carrés va faire 55 mètres carrés. Et tu vois bien la différence quand tu es à 10 000 euros le mètre carré, ce que ça peut faire quand la personne, elle a sauté la barrière de la superficie, qu'elle vient de visiter un appartement de 55 mètres carrés et qu'elle voit le tien qui fait 50 mètres carrés, mais qui est mieux agencé. Tout simplement, elle va mettre le même prix que l'appartement à 55 mètres carrés. C'est véridique, ça marche. Je lui dis, c'est 150 000 euros de plus-value. Et là, je suis en train de retravailler un projet un peu similaire. Encore un niveau au-dessus, mais c'est exactement la même chose. C'est améliorer la fluidité, l'effet waouh quand tu rentres. Quand quelqu'un rentre dans un appartement, c'est 10-15 secondes pour se dire, est-ce que vraiment dans ma tête, je lève tout? Et du coup, c'est l'émotionnel qui rentre et c'est je me vois déjà dedans. Et du coup, tout ce qui va être négatif, il va pratiquement plus le voir. Ou est-ce que c'est tout de suite, ah non, c'est pas beau, il faut circuler, c'est un labyrinthe pour rentrer chez toi, etc. Donc, c'est vraiment deux points importants. Soit je divise, soit je casse tout et j'optimise. Et ça, c'est ça qui va te permettre de créer une bonne affaire. Comme je dis souvent, je voulais faire cette vidéo rapide pour te dire et te répondre encore et te répondre encore. La bonne affaire, ce n'est pas forcément celle que tu vas lire sur le bon coin directement, c'est celle que tu vas lire sur le bon coin, que tu vas retravailler et que tu vas créer, soit en faisant une énorme négociation. Et c'est comme ça aussi que tu peux faire une bonne affaire direct, soit des gros travaux de rénovation sans rien changer, mais juste en rénovant l'appartement qui est juste pourri. Soit l'appartement il est correct, pourquoi pas. Le mieux c'est qu'il soit carrément pourri, comme ça tu casses tout et c'est encore mieux. Mais si, même s'il n'est pas forcément pourri, si tu vas penser à une division, alors après, tu as aussi la division de, par exemple, diviser un 50 mètres carrés en deux appartements. Ça mérite plus qu'une vidéo pour aller vraiment dans le détail d'une vraie division dans les règles de l'art. Mais c'est aussi une possibilité. Le plus simple, c'est la colocation. Tu vas rediviser en rajoutant une chambre. Et après, à l'opposé, tu casses tout et tu optimises ton appartement et tu mets en valeur et tu fais créer l'effet coup de cœur qui fait que derrière, toutes les objections vont être levées le plus rapidement possible. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo sur comment créer une bonne affaire, ben, en tout cas, mets-moi un gros pouce. Partage cette vidéo, partage cette chaîne à tes amis investisseurs. Hein. Tu as forcément des amis qui veulent s'enrichir avec les investissements immobiliers et d'une manière générale avec les investissements. Donc, partage-leur, dis-leur qu'Esprit Gagnant est là et que j'existe. Maintenant, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton nom et je te l'envoie immédiatement. Et on reste en contact. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me mettre soit un commentaire dans la vidéo YouTube, soit à me contacter directement sur le Messenger de ma page Facebook Esprit Gagnant. Et je te répondrai assez rapidement. On pourra même échanger si tu veux par Skype. Si tu as des questions, ça sera avec un grand plaisir. D'ici là, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao!